J'ai souvent perdu la foi en l'humain, mais je sais que malgré tout, l'amour est présent au fond de nous. Et c'est tout ce qui compte, c'est ça qui nous anime. L'amour est la clé de l'énigme à l'heure où le ciel est un peu sombre. À l'heure où Babylone nous plonge dans la pénombre, ne perdons pas de vue l'étoile qui brille encore. À nous de démontrer à quel point ils ont tort. Car en haut de la pyramide, l'amour est devenu secondaire, préférant faire de l'argent sur le dos de notre terre. Ne laissons pas ces vautours écrire la suite de l'histoire. Pour éclairer l'obscurité, il nous faut répandre l'espoir. Le but est de remettre l'amour au premier plan, remettre le bonheur au premier rang. Vivre plus simplement pour que chacun puisse vivre et redevenir les écrivains de notre livre. Le but est de remettre l'amour au premier plan, remettre le bonheur au premier rang. Vivre plus simplement pour que chacun puisse vivre et redevenir les écrivains de notre livre. Construire un autre monde qui gravite autour de nos rêves, avec la liberté comme emblème. Vivre en harmonie avec nos qualités, nos différences, nous voir unis et solidaires pour avancer dans le même sens. Tout ceci peut vous paraître un peu futile et utopiste, mais moi j'ai fait le choix de ne pas être complice. Complice de cette armée qui impose la terreur, car la machine ne fonctionne qu'avec un peuple qui a peur. Et c'est pour ça qu'il est important de faire face, de s'unir pour reprendre notre place. Car un peuple uni ne sera jamais vaincu. À nous de relever la tête, car le combat n'est pas perdu. Le but est de remettre l'amour au premier plan, remettre le bonheur au premier rang. Vivre plus simplement pour que chacun puisse vivre et redevenir les écrivains de notre livre. Le but est de remettre l'amour au premier plan, remettre le bonheur au premier rang. Vivre plus simplement pour que chacun puisse vivre et redevenir les écrivains de notre livre. Les écrivains de notre livre. À l'heure où la monnaie est plus puissante que l'amour, à l'heure où les banquiers tout puissants nous emmènent vers le point de non-retour, à nous d'y croire, à nous d'éclairer les lanternes, à nous de changer l'histoire dans ce qu'ils appellent les temps modernes. À l'heure où Babylone continue son emprise avec la force policière et ses lois répressives, à nous de protéger l'avenir et celui de nos enfants. À nous d'être acteurs de ce putain de changement. Le but est de remettre l'amour au premier plan, remettre le bonheur au premier rang. Vivre plus simplement pour que chacun puisse vivre et redevenir les écrivains de notre livre. Le but est de remettre l'amour au premier plan, remettre le bonheur au premier rang. Vivre plus simplement pour que chacun puisse vivre et redevenir les écrivains de notre livre.